Hein. Yeah. Bissap dans la tête, pense péter au jet. Bob vissé sur la tête, je fais traîner au checks. Le poteau est hal, en fait sa sortie de heps. Le temps est idéal pour mater quelques fesses. Foule son à fond, décapote le Mosca. Direction centre-ville, faire du gros gars. J'ai enfilé mon son cal, des grandes occasions. Tout mon bénéf en poche, me sens comme Franck Lucas. Miss, tu reluques mes jantes, moi des jambes. Monte à bord, wesh, on s'en tape, je regarde des gens. En plus mon pote, kiffe ta pote, fais l'avenir, qu'il papote. Vous avez snap, nous aussi, bon, on se les échange. Y'a peut-être un début d'histoire, sérieux sans pleuver. Faites-nous signe si ce soir, vous êtes tout fait pour gleuver. Chante, j'ai une touche, chante, je l'ai marqué. Tu vois, c'est ça le charme des mecs de quartier. Cette année, pas de contrat. Je vais passer l'été au quartier. Avec les autres frérots en bas. Chercher un billet à gratter. Je pense à tous mes gars au car plat. C'est une peine à craquer. Cette année je ne pars pas. Je vais passer l'été au quartier. Cette année pas de contrat. Je vais passer l'été au quartier. Avec les autres frérots en bas. Chercher un billet à craquer. Je pense à tous mes gars au car plat. C'est une peine à craquer. Cette année je ne pars pas, je vais passer l'été au quartier. Wesh Rakhri, samedi y'a le poteau qui se marie. Les raclos en starco, les raclis en sari. Grave OP, gamossé comme des princes Qatari. Y'a des frais de Marseille et des zingues de Paris. Du M6, du Cayenne, du Fefe, McLaren, nous aussi le week-end. Plus de coke dans un peu, clitard à l'américaine. Charbonne toute la semaine pour niquer tout le nefé dans la log du week-end. C'est la vie qu'on mène, la vie qu'on aime. C'est la merde mais c'est la nôtre. Fais avec, fais bronzette sur le banc. Dimanche, rose pécane, le vétrou, c'est Derka qui frotte la bavette. Barbac vers le lac, ramener des fumeux. Article 22, veste qui le fucker. J'suis bien avec mes oubliés de la société. Pas de sous-métier, pas de faux étés. Cette année, pas de contrat. J'vais passer l'été au quartier. Avec les autres frérots en bas. À chercher un billet à gratter. J'pense à tous mes gars au car plat. Cellule pleine à craquer. Cette année je ne pars pas. Je vais passer l'été au quartier. Cette année pas de contrat. Je vais passer l'été au quartier. Avec les autres frérots en bas. Chercher un billet à gratter. Je pense à tous mes gars au car plat. Cellule pleine à craquer. Cette année je ne pars pas. Je vais passer l'été au quartier. L'année prochaine, j'suis pas ici. Igo, juré promis. J'serai au bled ou sur une plage de Malaisie. Avec Maracli ou Méomi. L'année prochaine, j'suis pas ici. Igo, juré promis. J'serai au bled ou sur une plage de Malaisie. Avec Maracli ou Méomi.